Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on y boit, on y boit, que des vins bien cachetés, et nous autres pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, au nom de Dieu religieux. Que des vins frelatés. Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on se couche sur des matelas bien douillets. Et nous autres, pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, au nom de Dieu religieux, nous nous couchons sous la paille de blé. On ne mange que des poulets fricassés, et nous autres pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, au nom de Dieu religieux, nous ne mangeons que de la hypopée. Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on embrasse que des femmes de qualité, et nous autres pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, au nom de Dieu religieux, nous n'embrassons que des filles crottées.